J'ai voyagé depuis l'Europe et j'ai construit dans la jungle africaine un haut fourneau. Ce 18 mai 2014, j'allais monter un panier de charbon quand trois villageois arrivèrent. Il était temps, le fer allait commencer à couler. Alors, après de brèves salutations, j'explique à chacun le poste qu'il va occuper. Un au remplissage des paniers, un à la cuve et le dernier au soufflet. Quant à moi, je verserai les paniers dans la cheminée. Tout à coup, bang ! Une explosion à l'intérieur du four. Ne vous inquiétez pas, c'est le monoxyde de carbone qui vient de s'enflammer. C'est d'ailleurs une bonne nouvelle. Cela annonce que les gaz dépassent les 300 degrés. Le monoxyde de carbone, très dangereux à respirer, réagit maintenant avec l'air pour donner du dioxyde de carbone beaucoup moins toxique. Plus aucun danger de s'évanouir. C'est donc en toute sécurité que je monte sur la cheminée pendant qu'un villageois hisse le dernier panier. En me penchant sur le brasier, les gaz piquent un peu le nez et je peux voir une belle flamme bleue à sa surface. En vidant cette dose de combustible, le chargement sera de 4,50 m. C'est parfait. Ce haut fourneau est prévu pour fonctionner 24 heures sur 24 avec 3 à 4 coulées par jour, et ce pendant des mois. Mais aujourd'hui, notre objectif est de faire un test avec une seule coulée. Comme il y a juste la quantité nécessaire de charbon, je redescends au pied du four pour aider le garde-feu. C'est ensemble que nous allons effectuer la préparation de la cuve. Après avoir fait sauter la porte en pierre, l'air s'engouffre et le four passe du rouge à l'orange vif. Nous nous mettons alors à nettoyer promptement le réceptacle où, moins d'une minute après, les premières gouttes métalliques commencent à tomber. Ayant bien briefé le garde-feu sur la température à maintenir, je rejoins le souffleur qui doit, par un autre orifice, faire entrer l'air. Nous prenons chacun un soufflet et pendant 20 minutes, nous les actionnons alternativement au rythme de 5 battements par minute. Avertis d'un assombrissement du feu, nous passons aussitôt à 10 battements par minute. Mon coéquipier chargeur me remplace au soufflet. À côté du garde-feu, j'observe une averse de gouttes brillantes tombant sur le magma. Ces météorites de métal percutent puis s'enfoncent dans le bain orangé. Il est temps de commencer à racler avant que la couche de déchets ne devienne trop épaisse. Une opération assez pénible, car la chaleur atteint les 1500 degrés et malgré des tissus mouillés sur nos avant-bras, une légère odeur de poils grillés commence à se faire sentir. Plusieurs kilos de déchets sont sortis avant de voir apparaître la couche plus étincelante du fer en fusion. Nous refermons la porte pour que nos camarades recommencent à actionner les soufflets. Le remplissage se poursuit, tout se passe parfaitement bien. Après 6 heures, la baignoire est sur le point de déborder avant l'évasion du métal liquéfié. Voici venu le temps de la fonderie. À grands coups de barre de fer, le bas de la cuve est percé et un écoulement lumineux apparaît. Ce fluide extrêmement brûlant ruisselle sur les pentes où rapidement des barrages sont faits pour orienter ce liquide qui, après quelques cascades et un dernier tourbillon, va remplir le moule où il va stagner puis condenser. L'atmosphère est à la joie, et ce n'est pas des larmes de tristesse qui tombent et s'évaporent sur l'acier encore chaud. Dans ce cycle infini, c'est le dernier chapitre, l'un des plus importants de ce projet commencé il y a 10 ans. Des années de travail pour aboutir au tout premier haut fourneau. Cette sidérotechnie va permettre aux Africains de transformer leur propre matière première. Mais c'est aussi le plus grand pas jamais fait vers une société humaniste. Nos premiers objets étaient la meilleure raison de faire une grande fête, alors j'invitais tous les villages. Nous pouvions imaginer l'humanité avec un futur et des générations à venir plus heureuses. Malheureusement, je ne me souviens pas très bien de la fin de soirée. Ce jour-là, c'est avec un léger mal de tête que je me réveille. En tournant la tête, je vois à mes côtés une femme. Elle ouvre les yeux. Elle a l'air d'avoir le sourire. Ouf ! Maintenant que le four marchait, concevoir ici avait un sens. Auparavant, et autre part pour élever un enfant, il fallait s'abaisser à devenir un esclave. À partir d'aujourd'hui, grâce au four, les humains seront les maîtres de leur avenir. Rassurée sur les conséquences de cette nuit, je la laisse sur le lit pour aller m'asseoir sur un banc. Une décision devait être prise. Est-ce que je rentre en Europe ou pas? Songeur, je la regarde se lever et allumer un feu pour le petit déjeuner. Autour, la cour était jonchée des détritus d'hier. Je prends un balai et m'apprête à nettoyer. Mais elle me l'arrache des mains en me regardant méchamment. Ici, la séparation des tâches est stricte. Elle me somme de rester à ma place. Question de temps. Elle apprendra bien assez tôt que le début du four sonne aussi la fin du clivage entre les sexes. Résignée, je me rassois et reprends mes réflexions. Ma principale priorité était de générer de la vie. Or, nulle part ailleurs qu'ici, il n'y avait de meilleures opportunités que cela devienne le siège d'une nouvelle civilisation. Alors, je ne regardais plus cette humaine qui me tendait une tasse comme un divertissement, mais comme une de mes futures partenaires, pour la vie. Je l'invite à s'asseoir à mes côtés. Ma décision est prise, je reste. 6 mois plus tard, nous attendions nos premiers enfants. Nous comptions leur forger des clés, pas des chaînes. Ces nouveaux-nés libres augmenteraient le nombre déjà impressionnant que nous commencions à être dans cette petite vallée d'Afrique. Paradoxalement, c'est ici qu'il y avait du boulot pour tout le monde. Par exemple, au niveau reforestation. Dans les premiers temps, nous nous étions surtout consacrés aux pépinières d'arbres. Au bilan, 100 000 arbrisseaux allaient être transplantés. Pour ce faire, nos voisins se déplaçaient quasiment tous les jours. Mais à partir de novembre, après avoir rempli les greniers de leurs familles respectives, des dizaines d'opportunistes avaient décidé de s'établir autour de la fonderie. C'est, entre autres, avec ces nouveaux résidents que suffisamment de minerais et de charbon furent produits pour un essai longue durée. Cette semaine de fonctionnement fut destinée à la fabrication d'outils sidérurgiques. Baramine, louche, burin, marteau, pioche, ce fut encore un succès. Suite à quoi, certains jours, nous recevions plus d'une centaine de visiteurs, et parmi eux, les habitants des villages. Ils prenaient conscience du pouvoir que procuraient les 2800 kilos de produits par jour. L'appât d'un gain rapide rendait d'autant plus dure la maîtrise du risque d'emballement. Plusieurs réunions furent organisées et plusieurs vétos furent posés pour ne pas que certains se lancent dans une coupe effrénée de la forêt. C'est d'ailleurs ce que les Européens avaient fait 300 ans plus tôt sur leur propre continent. Répétons ensemble. Planter, couper, charbonner. Replanter, couper, charbonner. Replanter, couper, charbonner. Une comptine que devront chanter nos bébés. Politiquement, être parent nous rendait plus réceptifs aux arguments de Boko Haram. Ce mouvement insurrectionnel selon la population et terroriste selon les nations. Étant maintenant responsable de vie, quand nous écoutions ce qui se passait, n'importe quels êtres humains libres auraient sans nul doute fait la même chose. Ils auraient eux aussi kidnappé les enfants des colonisateurs pour essayer de les échanger contre leurs enfants qui, eux, avaient été auparavant enlevés par ces mêmes colonisateurs. Une petite astuce. Quand un média ne diffuse pas les revendications des présentés comme terroristes, on peut être sûr qu'il ment. Dans les régions alentour, tout opposant au gouvernement était accusé d'être partisan de Boko Haram. C'était d'autant plus critique autour du four, car nous avions affaire à un mensonge encore plus gros. C'est d'ailleurs, depuis une centaine d'années, le plus gros mensonge qui n'ait jamais été entretenu par les médias. Travestir l'usage du mot « anarchie ». Or, une nouvelle civilisation sans chef était née. Maintenant que nous étions prêts pour le travail en continu. Nous allions allumer le four et l'exploiter. Puis nous l'éteindrions quand usé, il ne serait économiquement plus rentable environ 4 mois plus tard. Cette période nous permit de roder les processus industriels qui permettent non seulement d'alimenter indéfiniment un four, mais aussi d'en traiter sa production. Commercialement, la valeur des produits était entre 3 000 et 10 000 euros par jour au sein d'une population vivant avec moins de 1 euro par jour. Alors, quand on prend en considération qu'il faut une centaine de personnes pour le faire fonctionner, cela ne s'appelle plus faire une marge, mais faire fortune. Cependant, ce haut fourneau avait pour vocation d'être une école, donc d'être un lieu d'apprentissage pour ceux qui voudraient en construire d'autres autre part. Méthodologiquement, les plus anciens communiquaient leur savoir aux nouveaux arrivants. Ensuite, quand un travailleur était considéré comme autonome, l'organisation du haut fourneau lui finançait le transport, là où il voulait, à lui et à tout le matériel nécessaire. En plus, une fois arrivé, il avait 5 000 euros pour s'installer. Bien sûr, sous réserve qu'autour de ce nouveau four, il s'engage à mettre en place une organisation anarchique. À cause de la dictature médiatique du culte du chef, la plupart des gens ont du mal à s'imaginer une organisation sans une hiérarchie dirigeante. Or, un groupe, quelle que soit sa taille, est en capacité de prendre des décisions. Il suffit qu'il s'organise. Tout le monde peut participer. Tout le monde est partenaire. Tout le monde peut être responsable de projet, responsable de compte, responsable de production. Des milliers de chefs-d'œuvre sortaient de la fonderie chaque jour. Comme les décisions n'étaient pas prises par un chef permanent qui essaie de valoriser sa progéniture, la priorité était donnée à la réalisation d'objets qui participent directement à la vie quotidienne. Les marmites, les pelles, les cuillères, les haches, les couteaux, les clous, achetables en équivalent fer. C'était une nouvelle monnaie qui remplaçait le franc CFA. Toute personne travaillant en relation avec les hauts fourneaux, prise de décision y compris, était payée en équivalent fer. Sur les billets, il était noté un poids en kilogrammes de fer. Elle supplanta très vite l'ancienne monnaie coloniale, car suite aux différentes magouilles de dévaluation, un agriculteur ou un éleveur africain qui voulait transformer son maïs ou son bétail en achat de produits métalliques perdait dans la conversion plus de la moitié de son travail. Ainsi, en utilisant l'équivalent fer, tous les produits leur semblaient alors moitié moins chers. Par contre, concernant l'importation, l'arme coloniale de la monnaie se retournait contre ce créateur, qui ne pouvait concurrencer des produits vendus à un prix inférieur au coût de leur transport. Mais l'histoire regorge de faits qui montrent qu'ils sont capables d'investir à perte ou de faire marcher la planche à billets. Alors, il a été décidé, pour éviter toute corruption ou attaque par l'extérieur, que le franc CFA serait interdit autour des hauts fourneaux. À plusieurs kilomètres, des postes de conversion franc CFA équivalent fer furent construits. Ils firent également office de coffre-fort et de banque. Cependant, ces postes étaient amenés à être repoussés encore plus loin. Les conditions de vie à l'intérieur de la zone équivalent fer étant bien meilleures, cette zone d'exclusivité était amenée à grandir, grandir, grandir. Nous devîmes une ville d'un millier d'habitants. Pour la réguler dans l'espace, la stratégie choisie fut d'entourer la cité d'une plantation d'arbres large d'un kilomètre en décidant qu'aucune construction ne serait réalisée à l'extérieur afin de préserver un équilibre avec la nature. Nous avions 1 km² où tout le monde était bienvenu, à condition qu'il accepte cette promiscuité. Cependant, ce n'était pas à cause d'elle que certains nous quittaient, mais parce qu'ils avaient fini leur formation. C'est ainsi que chaque mois, une trentaine d'entrepreneurs partaient reproduire des hauts fourneaux. Mais les remplaçants ne manquaient pas. Parmi eux, nous favorisions un peu les Africains provenant des régions non encore représentées. Le but étant d'avoir des étudiants venant de partout afin, bientôt, d'avoir des hauts fourneaux dans toute l'Afrique. L'urgence de leur mise à feu était palpable, car sur le plan international, les choses allaient très mal. Dans les pays africains, hormis coup d'État orchestré par les fabricants d'armes, c'était « président un jour, président pour toujours ». Autre part, des dictatures de plus en plus liberticides, eugénistes et capitalistes étaient mises en place. Globalement, la démocratie était morte depuis longtemps, mais elle n'avait pas été enterrée officiellement. Croire en la démocratie était devenu preuve d'aliénation. Et aller voter devait être considéré comme acte de haute trahison envers l'humanité. Tout le contraire de ce qui se passait autour des hauts fourneaux, où l'organisation anarchique en place fonctionnait bien et de mieux en mieux. Comme de nombreuses décisions étaient des améliorations du système de décision lui-même, l'évolution était très rapide et son fonctionnement de plus en plus efficace. Nous allions vers l'organisation optimale. Une perfection obtenue par de petites expériences. Par exemple, un jour, nous pouvions décider qu'un délai d'une minute était trop court pour exprimer une idée. Le lendemain, le temps pouvait être de 2 minutes. 2 semaines après, nous pouvions décider que c'était trop long et passer à 1 minute 30, et ainsi de suite. Dans un système législatif républicain et démocratique, il aurait fallu 4 ans pour mettre en œuvre une telle décision. Pour nous, 24 heures. Nous évoluions 1000 fois plus rapidement qu'eux. Notre organisation avait une plus grande capacité d'adaptation et de synchronisme, car quels qu'en soient les lieux, les langues et les différents optimums obtenus, nous pouvions nous coordonner sans aucun problème grâce au droit de veto. J'en parlerai dans quelques lignes. C'est toute la force d'avoir la même finalité, le même but, la même définition du bien. On s'arrange toujours pour l'atteindre. Que cela fonctionne aussi bien intriguait beaucoup. D'ailleurs, de nouveaux types de visiteurs firent leur apparition. Des journalistes, des sociologues, des voyageurs en quête de sens. En peu de temps, notre organisation s'exporta bien plus loin que nos objets. Cet afflux de caméras et de stylos permit de nouer des liens avec nos camarades anarchistes du monde entier. De plus, la présence des médias permit de mettre en lumière les pratiques monstrueuses qui illustrent parfaitement la nécessité d'un droit de veto. C'est tout le problème de la démocratie. Car si vous demandez à une population aussi mal informée sur la réalité de prendre une décision, par exemple celle de faire ou non la guerre aux prétendus terroristes, vous pouvez imaginer le résultat. Certainement, il suffit d'allumer la télévision. Comprenez bien qu'avec notre organisation anarchique, le résultat serait identique s'il n'y avait pas un droit de veto individuel. En effet, si une personne sait une information que même plusieurs milliards de personnes ignorent, il doit être en capacité de bloquer toute décision prise par ces ignorants. Ce système est sans faille et sans frontières. Une 30aine de hauts fourneaux fonctionnaient déjà avec ce principe, et plus d'une 100aine d'autres étaient en construction. Comme il n'y avait aucune concurrence entre eux, toutes les personnes qui se lançaient dans cette industrie étaient garanties de succès. En effet, avant de pouvoir répondre aux besoins en fer de tout le continent, même 10 000 de ces hauts fourneaux ne suffiraient pas. En plus, l'entraide entre les anciens étudiants facilitait grandement la dissémination et l'implantation de la sidérotechnie anarchique. Sur le plan planète Terre, le maillage entre les humanistes s'affinait via l'Internet. Une base de données mondiale des idées était mise en place. Son ambition était de devenir à l'échelle terrestre le cerveau de la rétribution et de la redistribution des idées. D'être la source d'inspiration avec laquelle chaque humain pouvait se connecter et y obtenir les informations pour tous les projets déjà réalisés. Il y pouvait aussi analyser les évolutions des bénéfices en vie de chacune des réalisations. C'est en connaissant son profit potentiel qu'une idée pouvait être reprise. Au final, dans cette guerre pour la vie, cet outil permettait en continu d'estimer le gain de vie généré par l'ensemble de l'organisation. C'est de l'informatique de combat. D'un côté, un bouclier chiffré où venaient s'écraser les logiques égoïstes, et de l'autre, une raison massue de développement. En moins d'une dizaine d'années, plus de 1000 hauts fourneaux étaient en activité et 3000 étaient en cours de construction. Désormais, dire que l'organisation anarchique fonctionnait uniquement autour du fer était devenu obsolète, car ce principe décisionnel avait été repris par ce qui était appelé des pôles de vitalité. Il correspondait aux cultures, élevage, agriculture, et aux sources d'enrichissement, les forêts, les rivières, Bien sûr, comme dans la nature, les pôles se chevauchaient et pouvaient changer au gré des saisons. À l'inverse, les systèmes nationaux destinés au pillage étaient en faillite. La décapitalisation avait commencé. Les populations n'ayant plus intérêt à travailler pour eux, l'amputation était à tous les niveaux, jusqu'au sabotage. Les colons fuyaient chez eux, où ils trouvaient une société au bord de la rupture. Surtout en Europe ou en Amérique du Nord, qui étaient en cours d'implosion suite au retour des immigrés chez eux. Un terreau riche où poussait frénétiquement l'anarchisme dont la croissance connaissait un nombre exponentiel d'adeptes. Nous nous comptions déjà par centaines de millions, avec des milliers d'organisations, jusque dans les coins les plus reculés du globe. Il fallut peu de temps avant que les Africains décident de supprimer toutes leurs frontières. Le système capitaliste, sénile et fatigué, avait dépassé le stade de la décroissance. On était entré dans la phase de son remplacement. Dans la nature, il y a plusieurs façons pour un organisme de prendre le dessus sur un autre. La force, le poids, le nombre. Pourtant, il y en a un seul qui permet de prendre le dessus sur tous les autres organismes. C'est la capacité d'évolution. Ce processus de mutation-adaptation est observable chez les virus, et ce à l'échelle d'une vie humaine. L'organisation anarchique se comportait comme cet organisme biologique. Elle s'implantait dans une société, mutait, et faisait des petits. Des petits toujours plus virulents et partant grossir plus loin. Nous étions en train de contaminer les organes capitalistes. Nous mettions à mort la mort. Comparer notre organisation à un virus était pourtant complètement faux, car à l'échelle de l'humanité, nous étions le système immunitaire et nous détruisions le cancer que fut le capitalisme. Ouf, jusqu'à temps. Chaque année, des sessions de décision avec 9 milliards de participants étaient organisées. À l'occasion des finales, de véritables shows en mondovision étaient diffusés. Les sommes en jeu correspondaient à des milliards de tonnes en équivalent fer. Des laboratoires entiers étaient dédiés à trouver les meilleures idées ou à faire du lobbying pour les faire élire. Les enjeux étaient considérables, car par exemple, si l'idée allait jusqu'en finale mondiale, ses promoteurs recevaient des millions d'équivalents fer et ceux qui avaient participé à son élection recevaient chacun des centaines de milliers d'équivalents fer. Mais le plus lucratif restait quand même les intéressements sur les bénéfices en vie générés par un projet mis en œuvre. Ce qui pouvait atteindre jusqu'à des dizaines de milliers d'équivalents fer par mois pendant des années, voire même toute leur vie. Parallèlement, de nouveaux types de milliardaires apparurent. Ils furent appelés les vétomènes. Leur apparition était le prix payé par l'organisation pour sa sûreté de fonctionnement. Même les psychopathes et anciens politiciens furent obligés de se transformer en humanistes pour garder un peu de pouvoir. À partir de maintenant, l'argent gagné ne correspond plus à la mort, mais à la quantité de vie générée. Les raisons sont données à la satisfaction de la vie, et l'intelligence est devenue la maximisation de l'espérance de vie de l'humanité. Enfin, si une seule personne arrivait à prouver ou à simplement démontrer que cette organisation anarchique était malfaisante, l'organisation lui garantissait mécaniquement d'avoir le pouvoir de changer cette organisation. Alors, je vous pose la question. Cette démonstration existe-t-elle? Autrement dit, je vous mets au défi de prouver qu'en mettant en place cette organisation, nous n'arrivions pas à cette conclusion. En l'an 2100, l'humanité, heureuse, fut unie par le respect de la vie. Sa population stable vécut en symbiose avec la nature. Elle devint univers et infini.